السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، موضوع الدرس تفسير سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. Le sujet de notre cours est l'étude de Sourate Al-Fatiha. Et cette sourate est la plus grande sourate et la meilleure sourate du Coran. C'est même la meilleure sourate qui a été révélée sur un messager. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé comme Al-Fatiha sur un prophète parmi les messagers ou sur un prophète parmi les prophètes. Le grand savant Cheikh al-Islam Mujaddid al-Da'wati wa-Din Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala a écrit un livre qui s'intitule Tafsir ayatin min al-Qur'an al-Karim, l'explication de certains versets du noble Coran. Dans ce livre, il a expliqué le Fatiha et a cité beaucoup de sciences qu'on tirait de cette sourate. Et nombreux sont les savants qui ont parlé sur l'explication de sourate al-Fatiha, chez les anciens et chez les contemporains. Sourate al-Fatiha, mais avant d'entrer dans l'explication, certains bienfaits et mérites de cette sourate pour qu'on se rende compte de l'importance de cette sourate, de sa grandeur. Fasourate al-Fatiha et ruknun qira'atuha ruknun min arkanis salah. La lecture de sourate al-Fatiha, il nous suffit de savoir que c'est un pilier parmi les piliers de la prière pour comprendre son importance. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre, c'est-à-dire sourate al-Fatiha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sourate al-Fatiha هي سبع المثاني. Elle a été appelée dans le Coran et dans la Sunna les sept répétés, car il y a sept versets. Il y a sept versets, dont le premier est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a une divergence sur Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Est-ce que c'est le premier verset de Sourate Al-Fatiha ou bien est-ce que Al-Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Al-Fatiha, cette sourate, cette noble sourate du Coran, tu la récites au minimum en tant que musulman 17 fois par jour. Au minimum, tu la récites 17 fois par jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime entendre cette sourate de tout. Au point où tu dois la réciter pour chaque raka'ah, dans chaque prière, qu'elle soit obligatoire ou qu'elle soit surérogatoire. Même dans Salatul Janaza, tu commences par cette sourate. Donc au minimum, tu la récites 17 fois par jour. Que dire alors de celui qui ajoute Rawatib, qui prie Sunnatul Fajr, qui prie 4 unités de prière avant le Zohar, 2 après le Zohar, qui prie 2 unités après le Maghrib, 2 après les Isha. Que dire alors de celui qui à chaque fois fait le Wudu, prie 2 raka'ah. Naam, lorsqu'il entre au Masjid, il prie 2 raka'ah. Et ainsi de suite. Donc au quotidien, la personne est constamment en train de réciter Sourate al-Fatiha. Constamment, il récite Sourate al-Fatiha. Tout cela nous montre quoi? Son importance. Et le besoin qu'à le croyant de lire, de se rappeler, de répéter, de méditer Sourate Al-Fatiha. Ça nous appelle à quoi donc? À comprendre ce qu'on récite. Et nous voici, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le mois de Ramadan. Et durant le mois de Ramadan, les gens viennent à Salatul Tarawih et ils entendent donc Al-Fatiha. Ils entendent donc beaucoup de fois la lecture de Suratul Fatiha. Mais est-ce qu'on comprend le sens? Et est-ce qu'on sait les trésors que contiennent Surat Al-Fatiha? Ou bien est-ce qu'on se contente de l'écouter comme on écoute autre chose? Le musulman, il sait que Suratul Fatiha fait partie de la parole d'Allah Azza wa Jal, fait partie du Coran. Et au sujet du Coran, Allah nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne méditent donc pas le Coran, même à la قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ou bien est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur? كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. C'est un livre béni qui t'a été révélé pour qu'il médite ces versets. Donc le Coran doit être médité. Tu dois chercher à comprendre le sens, savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi. Tu dois te soigner avec, tu dois t'éduquer avec. Tu dois le prendre en tant que guide. Et non pas te contenter de sa lecture ou de son écoute. Et pour ce faire, il te faut savoir ce que tu lis. Il te faut comprendre ce que tu récites. Naam. De par l'étude de l'exégèse du Coran. Surat al-Fatiha, a'zamu ayatin min al-Quran al-Karim. Bal a'zamu ayatin ou a'zamu suratin unzilat ala rasul min al-rusul alayhim salatu wassalam. Surat al-Fatiha est la plus grande sourate du Coran, c'est-à-dire dans sa valeur. والقرآن كله عظيم. Et l'ensemble du Coran a la plus grande valeur. Mais Al-Fatiha encore plus particulièrement. عن أبي سعيد المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. Un homme dont la cunia est Abu Sa'id, ce n'est pas Abu Sa'id al-Khudri, un autre, a dit, j'étais à la mosquée en train de faire la prière. Le messager d'Allah sallallahu, c'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'appela. Je ne lui ai pas répondu, pourquoi? Parce qu'il était en train de faire la prière. Puis, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, j'étais en train de faire la prière. فَقَالَ لِي أَلَمْ يَقُلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Puis il m'a dit, donc lorsqu'il s'est excusé et lui a dit qu'il ne lui a pas répondu car il était en prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, donc une part dans la traduction, « Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui contient ou bien à ceux qui vous redonnent la vie. » À ceux qui vous redonnent la vie. « Thumma qala li la'u'allimannaka » Suratan hiya a'zamu suratin min suwar al-Qur'an. Puis il m'a dit, je vais t'enseigner une sourate qui est la plus grande sourate du Qur'an. Qui est la plus grande sourate du Qur'an. Thumma akhadhani biyadi. Puis il m'a pris par là. Falamma arada an yakhruja. Et lorsqu'il a voulu sortir, partir de la mosquée, قلت يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. Lorsqu'il a voulu sortir, je lui ai dit, ô messager d'Allah, mais tu m'as dit que tu allais m'enseigner la plus grande sourate du Coran. فقال الحمد لله رب العالمين. Il lui a récité Al-Fatiha. هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Puis il lui a dit, ce sont les sept répétés et c'est le Coran immense qui m'a été attribué. Ce sont les sept répétés. Al-Fatiha se compose de sept versets. On les répète souvent, on les répète dans chaque raka'a, dans chaque prière. Naam. Et c'est Al-Qur'an Al-Azim qu'il m'a été accordé. Rawahu Al-Bukhari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé énormément d'importance et a voulu que ce sahabi considère grandement Sourate Al-Fatiha. Et ne lui a pas donné directement cette séance. Mais il est passé par des étapes, des introductions, afin que ce sahabi, lorsqu'il prend cette séance, la considère et lui accorde la plus grande importance. Naam. Aussi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait avoir envie d'acquérir cette science. Naam. Il lui a dit, je vais t'enseigner la plus grande sourate du Coran. Et ne lui a pas dit directement. Puis, il l'a laissé ainsi. Et ça n'est que plus tard qu'il lui a donné cette science. Ça n'est que plus tard qu'il lui a donné cette science. Pensez-vous que ce sahabi va oublier, a oublié un jour dans sa vie l'importance de sourate al-Fatiha? Aussi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doux envers lui. Il l'a considéré. Naam. Il l'a pris par la main avant de lui transmettre cette science. Et à la fin, il lui a cité des noms de sourate al-Fatiha. Il lui a cité des noms de sourate al-Fatiha. Parmi ces noms, As-Sab'ul Mathani. Naam. Allah Azza wa Jal nous cite cela dans le Coran, dans sourate al-Hijr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite cela ici. Wal Qur'an al-Azim, l'immense Qur'an. Ceci est venu dans la Sunna et est venu également dans le Coran. Parmi ce qui nous montre, donc parmi ce qui nous montre l'importance de cette sourate, la multitude de noms qu'a cette sourate. Al-Fatiha a plusieurs appellations. On l'appelle Al-Fatiha, لأن القرآن افتتح به. نعم. وهكذا في صلواتنا كلها. On l'appelle Al-Fatiha, ça veut dire l'ouverture. Ça veut dire l'ouverture. Car c'est la sourate qui commence le Coran. Aussi, elle a, yani, parmi ce qui nous montre l'importance de cette sourate, ses nombreux noms, car chaque nom renferme un attribut. Naam. Donc plus la chose a de noms, plus ça nous montre ses attributs. Donc, sa perfection. Asma'ullah subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Asma'ul Qur'an a'lamun wa awsaf. Asma'ul Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam a'lamun wa awsaf. Wa hakadha al-Qur'an a'lamun wa awsaf. Les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala sont des noms propres, mais contiennent aussi des qualités, des attributs. Par exemple, lorsque tu dis que parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman, Naam, ce ne sont pas des noms dépourvus d'attributs. Allah Azza wa Jal, du fait qu'il a parmi ses noms Ar-Rahim, Ar-Rahman, il a l'attribut de Ar-Rahma, de la pitié, de la miséricorde. Du fait qu'il soit Al-Alim, le savant, il a l'attribut du Ilm, la science. Ça, c'est valable pour les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est valable pour les noms du Qur'an. Qur'an al-Majid, Qur'an al-Karim, Qur'an al-Azim. C'est valable pour les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa Muhammad, alladhi yuhmadu li kathrati khisalihi al-hamida, wa Ahmad, Ahmadu al-Nas, huwa al-Mahi, alladhi yamhullahu bihi al-kufru, huwa al-Hashir, alladhi yuhsharu al-Nas inda qadamay, ou inda. Naam. Ila ghayri dhalikou. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms. Parmi ces noms, Muhammad. Et les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi des attributs. C'est-à-dire qu'il a ce qui est décrit dans son nom. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui qui mérite de nombreux éloges de par ses nombreuses qualités. Celui qui est beaucoup loué de par ses nombreuses qualités. C'est Al-Mahi. Maha, ça veut dire effacer. Al-Mahi, celui par lequel Allah a effacé le kufr. Naam, comme lors de l'ouverture de la Mecque, par exemple. Il est entré à la Mecque, il y avait plus de 370 idoles, il les cassait. Naam, et proclamait le tawhid. C'est pareil pour les noms du Coran. Et c'est aussi le cas donc pour Al-Fatiha. Al-Fatiha a comme nom par exemple As-Sab'ul Mathani, les sept répétés. Naam, les sept répétés. On les répète, souvent on les répète dans chaque raka'a, dans chaque salat. Al-Qur'an al-Azim, parmi les noms d'Al-Fatiha, Al-Qur'an al-Azim. Al-Fatiha est appelé ainsi, car, يعني ذكر في الفاتحة مجمل ما في القرآن. ما فصل في القرآن أجمل في الفاتحة. Les savants ont dit, car ce qui a été cité de manière concise dans Sourate Al-Fatiha a été développé dans le Coran. Donc Al-Fatiha, c'est à l'image d'un résumé du Coran. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ou bien الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Dans ça, il y a le tawhid. Il y a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. مالك يوم الدين, il y a aussi la connaissance d'Allah azza wa jal. Il y a aussi l'iman bil yawm al-akhir wal jaza wal bahth wal janna wal nar. Il y a tout ce qui concerne l'au-delà, le jugement dernier, le paradis, l'enfer, les comptes, le jugement. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, il y a le but de la création, unifier Allah azza wa jal d'un culte sincère. Il y a tawhid al-uluhiyya, ce qui était demandé, d'unifier Allah d'un culte sincère, de par tes actes d'adoration. Na'am. Wa iyaka nasta'in, il y a le besoin du serviteur devant Allah et le fait qu'il ne peut rien réussir sans l'aide d'Allah. Donc il y a tahqiq tawhid al-rububiyya, il y a tahqiq la dans إياك نعبد وإياك نستعين إلى تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أقسام الناس في العلم والعمل إلى la division des gens devant la science et la mise en pratique de la science إلى les différents chemins empruntés par les gens. D'accord. Donc Al-Fatiha renferme le sens de tout le Coran. Le sens de tout le Coran. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Qur'an al-Azim. Al-Fatiha, c'est une lumière qu'Allah Azza wa Jal a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par laquelle il a été privilégié. C'est-à-dire, personne avant lui n'avait reçu Al-Fatiha ni une sourate semblable. Et tu peux dire la même chose pour Khawatim Surat Al-Baqarah. Hada, l'anna ibn Abbas radiallahu anhuma qal, baynama Jibril qa'idun, inda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sami'a naqidan, min fawqih, farafa'a Jibril ra'sa. فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل أو لم يفتح قط إلا اليوم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Jibril. Ils ont entendu un bruit, puis Jibril a levé la tête vers le haut et a dit, voici une porte dans le ciel qui vient de s'ouvrir. Jamais elle ne l'avait été avant ce jour. On a ouvert une porte dans les cieux. Auparavant, jamais elle avait été ouverte. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ. Il y a un ange qui est descendu de cette porte. فَقَالَ هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَهُ قَبْلَهُ. Voici un ange qui est descendu sur la terre. Jamais avant, il n'était descendu sur terre. فَسَلَّمَ. Cet ange a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a passé le salam. وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ. Réjouis-toi, je t'annonce la bonne nouvelle de deux lumières, utitahuma, qui t'ont été accordées. Lam yu'ta nabiyyun qablaka. Jamais un prophète avant toi n'avait reçu cela. Fatihatul kitab wa khawatim suratil baqara. L'ouverture du livre, c'est-à-dire al-Fatiha, et la fin de suratu al-Baqara. Lam taqra harfan minha illa u'titahu. Tu n'en liras pas une lettre, c'est-à-dire de l'Fatiha ou de la fin de l'Baqara, sans qu'on te l'accorde. Sans qu'on te l'accorde. Rawahu Muslim. Regardez ici tout ce qui a été apprêté pour Al-Fatiha. Une porte a été ouverte dans les cieux, jamais elle ne l'avait été auparavant. Un ange est descendu, jamais il n'était descendu. Il est venu sur terre, jamais il n'était venu sur terre avant. Puis il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Une question que je vous adresse, qui est-ce qui a envoyé cet ange? Et à qui cet ange a été envoyé? Et avec quoi cet ange a été envoyé? Naam. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Allah. L'ange, les anges sont au service d'Allah. Ils ne font qu'adorer Allah Azza wa Jalla sans jamais se fatiguer. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah dit dans le Coran, ils ne désobéissent jamais Allah dans ce qu'il leur commande. Et ils font ce qu'il leur dit, ou ce qu'il leur ordonne. Allah Azza wa Jal, donc si cet ange est venu, c'est Allah qui l'envoie. Al-Malak est venu avec quoi? Avec une bishara. Al-bishara ou al-ikhbar bima yasur. Al-bishara, c'est une information qui réjouit celui qui l'entend. Sauf exception, al-bishara, c'est ça son sens. Quand elle vient de manière absolue. Al-bishara peut être l'annonce d'une mauvaise chose. Mais ça vient muqayyadan. Par exemple, bushra kumun nar. Bushra kumun nar, ici on a cité un nar. Naam. Donc il vient avec cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Avant de citer le Fatiha, binurayn, on appelait cela une lumière. Une lumière. Qui t'ont été accordées. Fatiha, Fatihatul Kitab. Wa khawatim surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange avec sourate al-Fatiha. Alors que le Coran descendait, na'am, Allah parlait devant le Coran, il faisait entendre Jibril, puis Jibril descendait et transmettait. Pour al-Fatiha, il y a eu encore plus que cela. Il y a eu encore plus que cela, c'est qu'il y a eu l'annonce de cette bonne nouvelle par un ange. Qui est descendu que pour cela et il n'était jamais descendu avant ce jour. Allahu Akbar. Al-Fatiha ruqyatun. Al-Fatiha, c'est une incantation, c'est une ruqya. Qala Abu Sa'id radiyallahu anhu, inna rafdan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam in talaqu fi safar. Abu Sa'id radiyallahu anhu nous dit, un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé dans un voyage, pour un voyage. Ils sont partis et ils ont voyagé. Al-Rahqa, et al-Jama'atu dun al-Ashr. Al-Rahqa, c'est un groupe de personnes qui, dont le nombre ne dépasse pas 10 personnes. Naam, inférieur à 10 personnes. حتى نزلوا بحي من احياء العرب. Ils se sont arrêtés dans un quartier, dans un endroit, dans une contrée où il y avait des Arabes. فاستضافوه, ils leur ont demandé l'hospitalité. فلم يضيفوه, et celle-ci leur a été refusée. Et vous connaissez tous les droits du voyageur. فلودر سيد الحي. Plus tard, le chef de cet endroit a été piqué par un scorpion, une chose semblable. فَسَعَوْ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٍ. Ils ont cherché un remède. Ils ont tout tenté, mais en vain. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَذَا الرَّهْطُ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ شَيْءٍ. Puis, ils se sont dit mutuellement, et si nous allions voir ceux qui se sont arrêtés, les voyageurs, peut-être qu'ils ont un remède pour lui. Ils sont donc venus voir les sahaba et leur ont dit, est-ce que vous avez un remède? Nous avons tout tenté et rien n'a fait, rien n'a été profitable pour lui. فَقَالَ أَحَدُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقِنْ. Et l'un d'entre eux a dit oui, par Allah. Je sais faire al-raqiyah. ولكن والله لقد استضفناكم فلم تذيفونا. Puis il lui a dit, mais par Allah, on vous a demandé l'hospitalité et celle-ci nous a été refusée. Alors, je ne lui ferai pas ruqya, sauf en contrepartie de certaines bêtes. En contrepartie de certaines bêtes. فَصَلَحُوهُمْ عَلَى قِطَعَةٍ أَوْ قَطِئٍ عَلَى قِطَعٍ مِنَ الْغَنَمِ. Donc, ils se sont arrangés sur certaines bêtes ou une partie de bêtes. فجعل يدفل ويقرا اي سوره الفاتحه. Donc il lui a récité الفاتحه en lui poustillonnant dessus. C'est comme ça qu'on fait ruqya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tu récites الفاتحه, tu lui poustillonnes dessus, tu lui poustillonnes dessus, tu récites الفاتحه, tu récites du Coran. Tu fais du dua pour lui. Puis Abu Sa'id radiallahu anhu nous dit حتى كأنه نشط من عقال فانطلق. Après qu'il lui ait récité le Fatiha, il s'est levé et parti comme si jamais il n'avait été malade. Alors que eux avaient tout tenté, avaient essayé tous les remèdes, mais rien ne lui avait été profitable. Et lorsqu'il lui a récité le Fatiha, en apparence il lui a récité le Fatiha une fois, il lui a fait ruqya, il s'est levé comme si jamais il n'avait été touché auparavant. Puis il y a eu le partage. Et certains parmi les sahaba ont hésité à prendre de cette viande. Au retour, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont raconté l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahabi, « Wa ma yudrika annaha ruqya » Comment est-ce que tu as su que c'était une ruqya? فَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى فِعْلِهِ. Puis il leur a dit, mangez et gardez-moi une part. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été d'accord avec leur action et a montré qu'il a eu raison, qu'ils ont eu raison et que Al-Fatiha est bel et bien une ruqya. C'est la meilleure ruqya. Qur'an kullu ruqya. وَنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Et mine, dans ce verset, ce n'est pas l'itab'id, comme a expliqué Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Al-Qur'an kulluhu ruqya. Na'am. Quel que soit le verset du Qur'an, tu peux le réciter pour faire ruqya. Pour te faire ruqya, pour faire ruqya à tes proches, wa hakadha. Donc le Qur'an, c'est une ruqya, et tout particulièrement, Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, a même appelé Al-Fatiha salatan. Salatan. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la prière, a appelé plutôt Al-Fatiha salat. Il a nommé Al-Fatiha salat, une prière. Wa hadha fi hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu 'inda Muslim wa al-Bukhari wa Muslim. نعم قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Dans un حديث قدسي, un حديث تمديفا. Qu'est-ce qu'un حديث قدسي? Quelle est la différence entre un حديث قدسي et le Coran? Puis quelle est la différence entre un حديث قدسي et السنة, يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. Un hadith qudusi est la parole d'Allah Azza wa Jal, mais qui ne se trouve pas dans le Coran. Andaman. Qui dit autre chose? Wa ma hiya al-fawariq? Naam. Al-hadith al-qudusi est sujet à la science du mustalah al-hadith dans son authenticité ou non. Donc il peut avoir un hadith qudusi faible, sahih et ainsi de suite. Amma al-Qur'an, il n'est pas sujet à cela. Kulluhu mutawatir. Naam. Ahsant. Barakallahu fik. autre que cela? Naam. Al-Hadith al-Qudusi, on ne peut pas prier avec. Alors que le Coran, on peut prier avec. Ah, sainte. Naam. Andaman. Al-Qur'an, Al-Qur'an n'est venu que par la wasita de Jibril. Ou plutôt, il y a plusieurs manières par lesquelles le Prophète sallam a reçu le Qur'an. Et pour le hadith Qudusi, tu dis comment? Ma adhkur hada. Tayyib. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِ. Lorsque mon serviteur dit loué soit Allah, ou bien toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur démonte. Allah dit, mon Seigneur a proclamé ma louange. Mon serviteur a proclamé ma louange. On comprend de cela que la prière dont il s'agit dans ce hadith, c'est quoi? Hein? Al-Fatiha. Parce qu'Allah nous dit, donc selon la traduction, j'ai séparé, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah dit. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit. Lorsqu'il dit Malik Yawmiddin, Allah dit. Donc on comprend de ce texte que la salat dont il s'agit, c'est Al-Fatiha. C'est Al-Fatiha. Et on connaît tous la valeur de ce mot. Wa tamamu al-hadith. Donc, قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد. وإذا قال الله إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد نصفين. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Donc j'ai séparé la prière, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, toutes les louanges reviennent de droit à Allah le Seigneur de l'univers. Allah dit, mon serviteur a proclamé ma louange. Lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur fait mes éloges. C'est-à-dire, répète ma louange. Lorsque mon serviteur dit Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah dit Majadani Abdi. Lorsque le serviteur dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Dans la traduction du Coran ici, ils mettent et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Al-Istirata, c'est la demande de secours. Et Al-Isti'ana, c'est la demande d'aide. Donc la traduction plus adéquate que celle-ci, c'est pas demande de secours, c'est demande d'aide. C'est demande d'aide. Guide-nous dans le sentier droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru la colère, ni les égarés. S'ils traduisent, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, dans le verset, c'est Ghayril Maghdoubi Alayhim, ceux qui ont encouru, ceux sur qui il y a la colère. D'accord? Et le fait d'avoir laissé ainsi et de ne pas avoir dit ta colère, il y a de grandes sagesses dans cela. Donc là, dans la traduction, na'am, on fait attention. Parce que si on dit ta colère, ça veut dire que c'est que la colère d'Allah Azza wa Jalla. Mais on a dit le maghdoubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère, pour que ce soit la colère d'Allah Azza wa Jalla. Si Allah Azza wa Jalla se met en colère contre eux, les anges se mettent en colère contre eux. Si les anges se mettent en colère contre eux, les serviteurs pieux. Et sur la terre, on est en colère contre eux. Donc c'est la colère de tout le monde. Al maghdoubi alayhim, Allah Azza wa Jalla ghadiba alayhim. Malaikatul Rahman ghadiba alayhim. Al mu'minun ghadibu alayhim. Wa hakadha. Donc il y a une sagesse à avoir cité cela ainsi. Ghayril maghdoubi alayhim. Ni des égarés. Et ça viendra inshallah plus tard lorsqu'on entrera dans le tafsir. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, arrivé au milieu de la sourate, ceci est entre moi et mon serviteur. Arrivé à la fin de la sourate, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Parce qu'à la fin, c'est une dua. Et ça fera partie des fawaïd. C'est qu'elle fatiha, c'est une dua. Quand tu lis le fatiha, tu dois te rappeler cela. C'est une dua, c'est une demande. Et il se peut qu'une personne ait atteint 70 ans de sa vie, ou moins, elle est restée al-fatiha combien de fois sans avoir eu présent dans son qalb que c'est une dua, qu'elle demande à Allah Azza wa Jalla quelque chose. Comme l'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Les mérites d'al-fatiha, l'importance d'al-fatiha, pourraient être décrits et cités dans plusieurs assises. Na'am, dans plusieurs assises encore. Quant au sens de Sourate al-Fatiha, de manière résumée, on a d'abord al-Basmala. On a d'abord al-Basmala. Et avant de réciter le Coran, tu dois dire A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. A'udhu, ay al-taji wa a'tasim. A'udhu, c'est-à-dire je vais vers Allah, je recherche auprès de lui la protection. Contre quoi? Auprès de qui? D'Allah. C'est une adoration. A'udhu billahi minash shaitan. Contre qui? Ash-shaitan. Et cette base dans le mot shatana, c'est ba'uda, c'est le fait d'être éloigné. D'accord? A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Ar-rajim, le lapide. Shaitan, il est éloigné. Il est éloigné du bien, il est éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Depuis qu'il a refusé de se prosterner devant Adam pour Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Le shaitan a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil. Là, il pensait être meilleur que lui. Khalana khayrun min. Qu'est-ce qu'il a dit? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Pourquoi selon lui? Car tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala avait honoré al-shaytan, ou bien Iblis, disons. Na'am. Il l'avait élevé au niveau des anges, de par sa dévotion. Il avait eu la permission de vivre dans les cieux avec les anges. Allah azza wa jalla l'a éloigné de cette noblesse, l'a rabaissé par son péché. Et l'a inscrit en enfer jusqu'au jour de la résurrection. Et l'a viré de sa miséricorde. Toi, Iblis, sache que c'est ton ennemi déclaré, c'est le pire de tes ennemis. Il a juré, il a fait la promesse de tous nous faire entrer en enfer, sauf les serviteurs qu'Allah Azza wa Jalla aura élus dans la sincérité. Avant de lire le Coran, tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre Iblis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puis tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Le bas dans Bismillah, c'est bas ou l'isti'ana, c'est le bas de la demande d'aide. Et le mot ism, ça veut dire le nom. Ça veut dire un nom. Bismillah, ism, il est venu mudaf, il a Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah azza wa jal qui est défini, c'est même le mot le plus défini qui soit. Et ça nous amène donc, al-mufrad al-mudaf, ça amène la généralité. C'est-à-dire toutes les parties de ce qui est cité ici. En d'autres termes, je cherche l'aide en citant les noms d'Allah. Pas en citant un nom, mais en citant tous les noms d'Allah. Comme a expliqué Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. C'est un des noms d'Allah Azza wa Jal qui comprend l'attribut de la miséricorde. Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, le très miséricordieux, qui comprend l'attribut de la miséricorde. Et la miséricorde dans le nom d'Allah Ar-Rahman, c'est l'attribut d'essence. Et dans le nom d'Allah Ar-Rahim, c'est l'attribut par lequel Allah Azza wa Jal fait miséricorde à ses créatures. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est un verset qui a été mis pour faire la distinction entre les différentes sourates du Coran. Et Sahaba reconnaissait le début d'une sourate lorsqu'il voyait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exception faite de la sourate numéro 9, sourate al-Tawbah. Sourate al-Tawbah. Bara'a. Sourate le repentir. Elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En dehors de cette sourate, à chaque fois que tu commences à réciter une sourate de son début, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis est-ce que la basmala fait partie de la Fatiha, c'est le premier verset de Sourate al-Fatiha, ou c'est un verset qui a été mis pour séparer entre les différentes sourates? Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala a dit la parole la plus plausible est de dire que c'est un verset qui a été mis lil fasli bayna suwar. C'est un verset qui a été mis pour marquer la distinction entre les différentes sourates du Coran. La preuve, c'est le hadith d'Abi Hurayra, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit قَسَمْتُ صَلَاتَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِسْفَيْنِ إِذَا قَالَ الْعَبْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَ تَبْدَأُ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا بِالْبَسْمَلَ. La preuve que al-basmala n'est pas le premier verset de sourate al-Fatiha, c'est que dans le hadith Qudusi, qui a été cité précédemment, Allah Azza wa Jal nous dit j'ai séparé la prière, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. La prière ici c'est le Fatiha. Puis Allah nous dit lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il n'a pas dit lorsqu'il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Si le premier verset avait été Al-Basmala, on aurait commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim, mais on a commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceci nous montre que le premier verset de sourate Al-Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quant au sens Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamd wasful mahmoudi bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Alhamd, na'am, la louange, c'est le fait de décrire celui duquel tu parles par les attributs de perfection. En citant, tu cites ses qualités, tu cites ses attributs. Et lorsque tu fais cela, tu le fais avec le cœur rempli d'amour et de considération. C'est ça, Alhamd. Wasful Mahmoud ibil Kamal, ma'a mahabbatin wa ta'zim. Alhamd, c'est le fait de décrire celui duquel tu parles avec les attributs de perfection. Et lorsque tu fais cela, tu le fais avec le cœur rempli d'amour. Tu aimes celui duquel tu parles. Et tu considères, tu immensifies celui duquel tu parles. Et si tu fais ça sans amour, on n'appelle pas ça du hamd. On appelle ça du madh. On appelle ça du madh. Dans Alhamdu, l'article El, qu'on pourrait traduire en français par le lalé, huwa li istighraq. C'est, ça vient dans le sens de toutes. D'accord? Ça vient dans le sens de toutes. C'est-à-dire, toutes les louanges, l'ensemble des louanges. Alhamdu lillah. Lam huna lam l'istighraq. Alhamdu lillah, le lam ici, ça veut dire reviennent de droit. Toutes ces louanges que je prononce, toutes ces qualités de perfection que j'utilise pour parler d'Allah, le cœur rempli d'amour et d'immensification. Tout cela revient de droit uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le nom le plus propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le nom le plus connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus cité dans le Coran. Et selon beaucoup de savants, c'est Ismullah al-A'zam. C'est le plus grand nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui par lequel lorsqu'on invoque, il nous donne. Celui par lequel lorsqu'on invoque, il nous donne. Et ce nom est venu dans la plus grande sourate du Coran, al-Fatiha. Il est venu dans le verset le plus immense du Coran, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et c'est le nom qui est cité le plus souvent dans le Coran. Le plus souvent dans le Coran. Quant à son sens, ذُو الْأُولُوهِيَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِ أَجْمَعِينَ comme a expliqué Ibn Abbas ou bien Ibn Mas'ud radiallahu anhu. C'est celui qui mérite, c'est le seul qui mérite de la part de ses serviteurs d'être adoré. C'est le seul qui mérite de la part de ses serviteurs d'être adoré et pris en tant que divinité. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Rabbil alamin, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Warab, le Seigneur, c'est celui qui éduque ses serviteurs en leur octroyant de ses bienfaits. C'est celui qui éduque ses serviteurs en leur octroyant de ses bienfaits. والخالق المالك المتصرف في شؤون عباده وخلقه c'est le maître absolu et celui qui gère les affaires de ses serviteurs مالكي ماذا الحمد لله رب العالمين العالمين c'est le pluriel de alam c'est-à-dire le monde univers Allah azza wa jalla c'est le seigneur de tous les univers il a l'univers des oiseaux l'univers des poissons l'univers des hommes l'univers des djinns mais Allah azza wa jalla c'est le seigneur de tout l'univers C'est le seul maître de tout ce qu'il y a dans les terres, sur la terre, dans le ciel, dans les cieux. C'est le maître absolu, subhanahu wa ta'ala, et nul ne s'associe à lui, que ce soit dans la création, que ce soit dans la propriété, que ce soit dans la gérance, que ce soit dans le fait de donner la vie, que ce soit dans le fait de donner la mort. Allah azza wa jalla, c'est Rabbul Alamin. C'est le Seigneur de l'ensemble des mondes, de tous les univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on apprend l'essence de manière résumée de l'Fatiha, comprend l'Fatiha. Et plus tard, on va détailler et citer, Inch'Allah Ta'ala, les trésors que renferme l'Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ismani, Min Asma'illah Al-Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim sont deux noms parmi les noms d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-Rahman contient l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde, le très miséricordieux. Ar-Rahim, ou bien le tout miséricordieux. Ar-Rahim contient aussi l'attribut de la miséricorde. Naam. Ar-Rahman dhu rahmatil wasi'a. C'est celui qui a la miséricorde de vaste, qui touche tout le monde. Dans ce bas monde. Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. C'est celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. Donc la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est qu'Ar-Rahman, l'attribut de Ar-Rahma, c'est as-sifatu dhati, c'est l'attribut d'essence. Quand on parle d'Ar-Rahman, l'attribut, on parle d'Allah Azza wa Jal. Alors que quand on parle d'Ar-Rahim, on parle d'Allah Azza wa Jal, mais de l'attribut de la miséricorde qui se répercute sur ses serviteurs. Sur ses serviteurs. Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Et dans une autre lecture, Maliki yawmiddin, sans le maître, sans l'allongement. Le roi du jour de la rétribution. Donc le maître du jour de la rétribution. Maliki yawmiddin, ad-din huwa al-jaza. Ad-din, dans ce verset, c'est al-jaza, c'est la rétribution, c'est les comptes. C'est-à-dire qu'il va y avoir le jugement yawm al-qiyam, et Allah Azza wa Jal, c'est le seul maître de ce jour, le jour du jugement. Ad-din, ce mot-là vient dans les textes et a plusieurs sens. Il a le sens de la religion, il a le sens de l'humiliation, il a le sens aussi des comptes. Il a le sens de la religion véritable, le sens de la fausse religion. Lakum dinukum waliyadin. Na'am. Il a aussi le sens des comptes et c'est ce qui est voulu dans ce verset. D'accord ? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Iyaka, c'est toi seul, na'budu, que nous adorons. Nous n'avons pas dit na'budu, mais plutôt iyaka na'budu. Donc ceux qu'on a l'habitude de trouver en seconde position a été cité dans ce verset en première position. C'est une figure de style dans la langue arabe qui a pour but de donner l'exclusivité dans ce qui va être cité. Qu'est-ce qui est cité ici? C'est l'adoration. Donc on nous dit qu'Allah a l'exclusivité dans le droit à l'adoration. Et on dit, on proclame le tawhid en s'adressant à Allah Azza wa Jalla par la lecture de ce verset. Oh Allah, c'est toi seul que nous adorons. On se désavoue du shirk. On n'adore que toi. C'est toi la seule divinité qui mérite d'être adorée et c'est toi seul que nous adorons. Cette parole a le sens de quelle autre parole? Naam. La ilaha illallah. Iyaka na'budu signifie la ilaha illallah. Wa iyaka nasta'in. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Le serviteur ne peut faire une bonne action. Il ne peut faire une chose ou délaisser un mal sans l'aide d'Allah Azza. C'est pourquoi il dit, après avoir dit Iyaka na'budu, il dit wa iyaka nasta'in. Car il ne peut faire ce pour quoi il a été créé, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère, si ce n'est en recherchant l'aide auprès d'Allah Azza. Fala hawla lana wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Al-hidayah min Allah. La guidée n'est qu'entre les mains d'Allah Azza. Personne ne peut accorder la guidée à autrui sans qu'Allah Azza wa Jalla n'ait guidé son cœur. Tu peux montrer le chemin aux gens, mais qui est-ce qui leur permettra d'emprunter ce chemin? Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, seul, sans associé. Allah nous dit dans le Coran, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. En s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes, tu guides sur le chemin droit. Dans un autre verset, il nous dit innaka la tahdi man ahbabt. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. En s'adressant encore au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit des fois que le prophète sallam guide et dans d'autres versets, il ne guide pas. Car la guidée se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle hidayatu dilala wal irshad. Le fait, la guider dans le sens de montrer le chemin et d'orienter les gens. Et il y a hidayatul tawfiq wal ilham. Il y a hidayatul qulub. Il y a la guider dans le sens de permettre aux gens de croire et d'emprunter le bon chemin. La guider des cœurs. Mettre dans le cœur de la personne l'amour du bien et le fait de le faire. Ça, seul Allah Azza wa Jal peut le donner, peut l'accorder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour guider son oncle Abu Talib. Mais il est mort en ayant dit Ana ala millati abdil muttalib, iyadhan billah. Je meurs sur la voie de nos ancêtres, sur la voie de Abdul Muttalib, c'est-à-dire dans le polythéisme, l'adoration d'Allah, et l'Uzza et d'autres. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de te guider sur le chemin droit. Quel est ce chemin? Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs ou de faveurs. Naam. C'est-à-dire, wa ma yuti'i Allah wa ar-rasul. Le chemin de ceux qui ont obéi à Allah et son message. Fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Celui qui obéit à Allah et au messager, ceux-là auront pour compagnie ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Qui sont-ils? Allah nous dit. Ils sont avec les prophètes, les très véridiques, les martyrs et les gens pieux. Wa hasuna ulaika rafiq. Et quelle bonne compagnie que la leur. Les savants ont dit Al-mun'amu alayhi. Ce sont ceux qui ont eu la science utile et qui l'ont mise en pratique. من علم علما نافعا وعمل به. Donc la première catégorie c'était dans le Coran, ceux qui ont appris et ont mis en pratique. نسأل الله يجعلنا منهم ويغفر لنا. Puis غير المغضوب عليهم. Après avoir demandé à Allah Azza wa Jal de te joindre au nombre de ceux qui ont su et ont mis en pratique ce qu'il a comblé de ses faveurs, tu demandes à Allah Azza wa Jal de ne pas te joindre à deux groupes. Le premier, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, non pas ceux qui ont encouru la colère. Qui sont-ils ? الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِ. Ceux qui ont encouru la colère, ce sont ceux qui ont su et n'ont pas agi avec leur science. Allah yaghfir lana. Aussi, la personne, même si elle est savante, tant qu'elle ne met pas en pratique sa science, elle ne sera pas agréée chez Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie de personnes, les égarés. Ce sont ceux qui n'ont pas su et se sont alors égarés et ont dévié du droit chemin. À la fin, Mada de la sourate, il nous a été légiféré ta'min, le fait de dire amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iza ammana l'imam fa amminu. Lorsque l'imam dit amin, dites amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika. Car certes, celui qui aura dit cette parole, si elle tombe en concordance avec la parole des anges, c'est-à-dire il dit Amin en même temps qu'eux, celui-ci se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et ça, c'est un fadl min Allah Azza wa Jal, c'est un grand bien qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Tu écoutes le Fatiha, tu pries derrière l'imam, tu écoutes le Fatiha, tu dis Amin. Même quand tu pries tout seul, c'est légiféré de dire Amin. Tu dis cela en même temps que les anges, Allah te pardonne tes péchés. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens du livre nous envient pour cela. Ils sont jaloux de nous pour cela. Yahsudunana ala hadha. Naam. Voici pour le sens de Suratul Fatiha. Et dans les prochains cours, on détaillera plus cela. Et on citera Inch'Allah Ta'ala et on se rappellera les fawa'id na'am, que l'on tire de cette sourate. Et Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a un livre qui nous est recommandé par les savants qui se nomme Tafsir ou min tafsiri ayatin min al-Qur'an al-Karim. Donc l'explication de certains versets du Coran. Pour les arabophones, je vous recommande vivement ce livre. Moi-même, il m'a été recommandé par des gens de science. Naam. J'ai demandé conseil à Cheikh Abdel Hakim, Hafidahullah Ta'ala, lorsqu'il est venu d'Algérie pour nous enseigner et nous rappeler. Je lui ai cité le programme que j'avais l'intention de faire durant Ramadan et il a approuvé une partie et m'a conseillé de laisser deux des livres pour après Ramadan et il m'a dit je te recommande de faire cela. Et allez ce livre là. D'accord? Et de maintenir Qisasul Quran et Ahkamus Siyam. Naam. Donc j'ai pris ces remarques. Et c'est ce à quoi Mada, c'est ce que je vais essayer de faire inshallah ta'ala durant les jours. Qu'Allah Azza wa Jal nous accordera durant le mois de Ramadan. Walhamdulillah. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. C'était une introduction à notre cours. وصل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وصلواتنا وقيامنا وصدقاتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمي وارفع درجاتها في الجنة. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم فرج عن عبدك محمد فإنه مريض وفي غيبوبة، وأنت أعلم به منا وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عنه يا رب العالمين. اللهم اشفه ومن عليه بالشفاء يا أكرم الأكرمين. اللهم اقض ديون عن المدينين. اللهم اقض ديون عن المدينين. والله أعلم. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.